C'est décrété, les petites sœurs sont en pleurs. Mais leur culotte devant Britney, public soumis, suisse qu'on lui dit. Jouer devant Popstar Academy, Charlie Lulu et leurs copains feraient mieux de passer la main.